riche de proches et du cœur. Mes ennemis me feront du tort. Mes proches, mes amis. Oh. Capitaine qui crée mon kilo, je vais laisser ton petit cœur en lambeau, baby. Je suis ton mec et leur dealer. Mon habitant, je le paye en pilon. Je suis celui qui tire ton drive, je fais ton cross, c'était son rayon. Je rêvais de ce que je suis depuis 1000 ans. Je vais me taire pour se mettre à l'abri. Cachons-nous pour vivre notre vie, à l'abri de ce que les gens diront. Le monde nous regarde, je n'ai rien à gagner, à tenir. Je fais tout pour l'avenir, tant pis si le ciel me condamne. Tant pis. Je t'enfile en FaceTime, on se voit bientôt. J'ai pas confiance en ces dames, de toute façon j'ai fait le tour. Mes réussites, mes fautes, une larme tombe de ton cible. T'accuses mes absences, répétitives. Dis pas que j'suis sans chip, j'construis la suite. J'étais tout le temps dans la tête, à l'infini. J'suis un baston pour son petit cœur, j'peux le lire comme un livre. J'entends dans son petit cœur, j'suis un sale con quand j'suis loin. J'casse tout pour son petit cœur, j'aurais trop le blues et les yeux vides. Si j'étais absent dans son petit cœur. Petit cœur, j'suis un baston pour son petit cœur, j'peux le lire comme un livre. J'entends dans son petit cœur que j'suis un sale con quand j'suis loin. J'casse tout pour son petit cœur, j'aurais trop le blues et les yeux vides. Si j'étais absent dans son petit cœur. Mon cœur est noir, le mal est fait. Petit cœur, on paie les frais. Petit cœur, on fait le pire. Petit cœur, c'est tirer le faux du vrai. Petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur. Reste loin des autres, ils vont t'engrainer. Je pense tout, mes armées et mes peurs. Je vais tirer la lune si la nuit te fait. Je pense tout, mon buffet et mes fleurs. J'ai ton sun si la pluie s'y met. Encore un corps, ça me rend innocent. Je conclue les jours, j'ai pris des risques. Je suis novice et l'amour est une science. Il faut des larmes pour qu'on l'embellisse. Petit cœur, petit cœur. Je suis un baston pour son petit cœur, je peux le lire comme un livre. J'entends dans son petit cœur que je suis un sale con quand je suis loin. Je casse tout pour son petit cœur, j'aurais trop le blues et les yeux vides. Si j'étais absent dans son petit cœur. Je suis un baston pour son petit cœur, je peux le lire comme un livre.